Aujourd'hui, la nation républicaine s'est réunie pour fêter l'être suprême. Tous ensemble, nous allons mettre le feu à des mannequins de bois qui symbolisent l'ambition. Allez, allez, alléluia. Le fléau de l'athéisme. Allez, allez, alléluia. La fausse simplicité, alléluia. Et l'égoïsme. Allez, allez, alléluia. Devant nous, la statue de la sagesse appelle à notre jeunesse la discipline. Célébrons.